Figure-toi Jean-Pierre, que c'est la première fois de ma vie que j'ai un synthé numérique. Un synthé numérique qui se désaccorde. Va comprendre. Un synthé numérique qui se désaccorde. We'll be right back.